Depuis qu'il est parti, les choses ont beaucoup changé. Depuis que je suis né, j'ai un problème à l'oreille. Il rêve d'être acteur depuis qu'il est tout petit. Il n'est plus le même depuis qu'elle l'a quitté. Il n'arrête pas de parler depuis que le film a commencé. Il prend sa voiture tous les jours depuis qu'il a son permis de conduire. Tout va plus vite depuis qu'on a inventé l'électricité.